c'est chaud, mon rap pisse sur la bande à Sarko. Ici c'est The Doc à l'écho, ici tu me cherches mal, y'a pas de blame pro. Bienvenue dans le 13, c'est chaud, mon rap pisse sur la bande à Sarko. Ici c'est The Doc à l'écho, ici tu me cherches mal, y'a pas de blame pro. Nique l'état et toutes ces kerbas dans le ghetto, ça fait pa. Mon rap n'a pas de critique au point PES. Fais tourner sous son atelier, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma rue y'a pas de kerba, de mesure y'a trop de boîtes trinques. Qu'est-ce qu'on va te voir avec dans la tronche? Si t'es encerclé entre le bon et le mauvais mec, faut que tu tranches. Certains flirtent avec le shaitan, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ont basculé dans le mal, ils pensaient pour les Omars. Maintenant choisis mes potos, car certains sont prêts à t'envoyer au comico. Cinq coups, n'essaye pas de détrôner ma vécu. Car sur ma darote, ma patate, tu vas la manger. Certains rappeurs font du rap trop bidon. Ramène-moi le schlass pour écarter, c'est pas le train du RAP. J'écris ce son pour montrer que je suis toujours là et que je ne baisserai jamais les bras. Bah, c'est The Dog à la prod, écoute bien, c'est le sang-rue, le chant de la guérilla. Certains rappeurs font du rap pour se la péter, mais pour tous mes frères en dol. Une pensée à Valmont où j'ai grandi, où j'y ai traîné. Une pensée pour les personnes qui ont pas cru à mon potentiel. Écoute, ça sent mal, ça va faire des étincelles. Fox, cette putain d'état et Jean-Marie Le Pen. Au-delà de mes tests, t'inquiète, je les malmène. Bienvenue dans le 13, c'est chaud, mon rap pisse sur la bande à Sarko. Ici c'est The Doc à l'écro, ici tu me cherches mal, y'a pas de blame pro. Bienvenue dans le 13, c'est chaud, mon rap pisse sur la bande à Sarko. Ici c'est The Doc à l'écro, ici tu me cherches mal, y'a pas de blame pro. MC n'ont plus rien à dire, ils disent que ça tire. Dans leur zik, ils font parler les carages. Pour un mot mal interprété, ils veulent lancer des clashs. N'essaye pas de mettre un pin dans mon terre-terre, on va te laisser par terre. Le quartier m'a eu, demande d'aller au Mars. Les MC ne peuvent rien me dire, tu peux demander à point. Une grosse pastoche dans tes dents. Ça se dit être un homme, mais ça se situe à la demande de ta tête. N'essaye pas de nous cacher, on va te liquider. Quand les poules auront les gros, tu viendras nous tester. J'rappe pour les crânes, pas la frais. Pour les mecs rusés, les mecs enfermés qui ont reçu une pelle de meurtrier. Les MC de nos jours, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ça veut pratiquer du hardcore, car ça veut pratiquer du commercial. C'est ce temps, t'inquiète, on a la dalle. Myanmar, c'est The Dog Productions. Bienvenue dans le 13, c'est chaud, mon rap pisse sur la bande à Sarko. Ici c'est The Dog à l'écro, ici tu me cherches mal, y'a pas de blame pro. Bienvenue dans le 13, c'est chaud, mon rap pisse sur la bande à Sarko. Ici c'est The Dog à l'écro, ici tu me cherches mal, y'a pas de blame pro. Tu manges, écoute, bastos dans tes dents, mon rap est trop strident. Hardcore comme un muslim qui fait pas son ramadan. Nique les hippies, machallah, dans notre région y'a pas de fia hippie. L'avenir du rap il est à nous, j'peux pas test. Nous on représente les chaînes de la casse. On représente le RAP du fond de la classe. Moi le mic, je lui porte sa mère. Hardcore comme un high kick de que Jérôme le banner. Mon rap te sourit comme Elka, la rue s'exprime. Tu piges gros, y'a Marseille, quartier électronique. Les fachos, trop poteaux sont tombés au cas. Chaud, coup de fil anonyme devant le commissaire, trop balance qui s'exprime. T'es ok, né au Mars, le temps, production 2009, pro. Ok, ok, chez nous, y'a pas de blame pro. Alors écoute ce morceau, poteau.